Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 22. Malheur accablant de la vallée de vision. Qu'as-tu donc, toi aussi, que tu sois montée tout entière sur les toits? Pleine de clameurs, ville nombreuse, cité exultante. Ceux qui t'ont été tués ne sont pas des tués par le glaive ni des morts à la guerre. Tous les princes ont fui ensemble et ont été durement attachés. Tous ceux qui ont été trouvés ont été garrottés pareillement. Cependant, ils ont fui bien loin. À cause de cela, j'ai dit, « Retirez-vous de moi, je pleurerai amèrement. Ne cherchez pas à me consoler sur la dévastation de la fille de mon peuple. » Car c'est un jour de tuerie, de foulement aux pieds et de pleurs. Jour venant du Seigneur Dieu des armées dans la vallée de vision, examinant le mur et fier sur la montagne. Et Élam a pris un carquois, le chariot du cavalier, le bouclier a laissé la muraille nue. Et les meilleures vallées seront remplies de quadriges, et les cavaliers mettront le siège devant les portes. Et ce qui couvrait Juda sera ôté, et tu verras en ce jour-là l'arsenal de la maison de la forêt. Et vous verrez que les brèches de la cité de David ont été multipliées, et vous avez rassemblé les eaux de la piscine inférieure. Et vous avez fait le dénombrement des maisons de Jérusalem, et vous avez détruit les maisons pour fortifier le mur. Et vous avez fait un réservoir entre les deux murs, près de l'eau de la piscine ancienne, et vous n'avez pas levé les yeux vers celui qui l'avait faite. Et vous n'avez pas vu, même de loin, celui qui l'a construite. Et le Seigneur, Dieu des armées, vous appellera en ce jour-là aux pleurs, aux gémissements, à raser vos cheveux et à vous ceindre d'un sac. Et voici la joie et l'allégresse, tuer des veaux, égorger des béliers, manger des viandes et boire du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et s'est révélée à mes oreilles la voix du Seigneur des armées. Non, elle ne vous sera pas remise, cette iniquité, jusqu'à ce que vous mouriez, dit le Seigneur des armées. Voici ce que dit le Seigneur, Dieu des armées. Va, entre auprès de celui qui habite dans le tabernacle, auprès de Sobna, le préposé du temple, et tu lui diras que fais-tu ici, ou à quel titre es-tu ici? Que tu t'es taillé ici un sépulcre, que sur un lieu élevé, tu t'es taillé dans la pierre un monument, un tabernacle. Voici que le Seigneur te fera transporter comme est transporté un coq, et comme un manteau. Ainsi il t'enlèvera. Te couronnant, il te couronnera de tribulation. Il te lancera comme une balle dans une terre large et spacieuse. Là tu mourras, et là sera le char de ta gloire, l'ignominie de la maison de ton Seigneur. Je te chasserai de ton rang, et de ton ministère je te déposerai. Et il arrivera en ce jour-là que j'appellerai mon serviteur Eliasim, fils d'Elchias. Et je le revêtirai de ta tunique, et je lui attacherai fortement ta ceinture, et ta puissance la mettrai en sa main. Et il sera comme un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira, et il n'y aura personne qui ferme. Et il fermera, et il n'y aura personne qui ouvre. Et je le ficherai comme un pieu dans un lieu sûr, et il sera comme un trône de gloire pour la maison de son père. On y suspendra toute la gloire de la maison de son père, les divers genres de vases, tout vase le plus petit depuis les vases cratères jusqu'à tout instrument de musique. En ce jour-là, dit le Seigneur des armées, sera enlevé le pieu qui avait été fiché dans un lieu sûr, et sera brisé et tombera et périra tout ce qui avait été suspendu, parce que le Seigneur a parlé. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.